Je voudrais bien manger mes pâtes avec les doigts, croquer mes crottes de nez ou les gauler sous les plats. Je voudrais bien manger du pain toute la journée, envoyer sur la lune les courgettes et les navets. Mais pour ne pas avoir les oreilles de Dumbo, attendons que papa tourne le dos. On t'appelle papa la terreur. Tu sais, tu nous fais même pas peur. Des bêtises aussi t'en as fait. T'aurais pas dû nous l'avouer. Je voudrais bien rouler sous la table en criant, sauter sur le canapé, tirer la langue en bavant. Je voudrais bien rouler du popotin en criant, montrer mes fesses aux gens, dire des gros mots turgliants. Mais pour ne pas avoir les oreilles de Dumbo, attendons que papa tourne le dos. On t'appelle papa la terreur. Tu sais, tu nous fais même pas peur. Des bêtises aussi t'en as fait. T'aurais pas dû nous l'avouer. Je voudrais bien rester toujours à la maison, allumer la télé et jeter mes chaussons. Je voudrais bien rester toujours avec maman, me faire câliner, qu'elle me porte tout le temps. Mais pour ne pas avoir les oreilles de Dumbo, attendons que papa tourne le dos. On t'appelle papa la terreur. Tu sais, tu nous fais même pas peur. Des bêtises aussi t'en as fait. T'aurais pas dû nous l'avouer. Je voudrais bien jouer aux cow-boys ou aux indiens, au milieu de la classe pour faire rire tous mes copains. Je voudrais bien jouer au papa, à la maman, pour voir me maquiller, mettre les habits des grands. Mais pour ne pas avoir les oreilles de Dumbo, attendons que papa tourne le dos. On t'appelle papa la terreur. Tu sais, tu nous fais même pas peur. Des bêtises aussi t'en as fait. T'aurais pas dû nous l'avouer. Je voudrais bien me coucher sans me déshabiller, faire semblant de ronfler, jouer à la PSP. Je voudrais bien coucher dans la chambre de Merlin pour pouvoir rigoler jusqu'au lendemain. Mais pour ne pas avoir les oreilles de Dumbo, attendons que papa tourne le dos. On t'appelle papa la terreur. Tu sais, tu nous fais même pas peur. Des bêtises aussi t'en as fait. T'aurais pas dû nous l'avouer. Thank you.